Radiomatic. Transmission 296 d'Audiomatic s'ouvrait sur la musique et la poésie de la formation française Peine perdue, de qui nous écoutions la pièce Disparition fantôme, tirée de l'album Disparition, sorti en 2015. Vous êtes en compagnie des sonoristes pour cette transmission d'Audiomatique. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour peu importe la raison par l'entremise de notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. À Audiomatique, il s'agissait du projet grec Will-O-The-Wisp et la pièce-titre de son seul album intitulé Long Sleep Plain, paru en 2008. Et pour débuter ce segment musical, nous avions droit au compositeur américain Marco Benevento et la pièce Wolf Trap, extraite de son troisième album studio Between the Needles and Nightfall, lancé en 2010. La prochaine séquence sera composée d'une seule longue pièce que nous livre le saxophoniste et flûtiste Farrah Sanders en collaboration avec l'artiste Bill Laswell. Thank you. À Audiomatic, cette séquence d'une seule pièce mettait en valeur une collaboration entre Pharoah Sanders et Bill Laswell qui prend forme sur l'album With a Heartbeat, duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, soit Gamaka. Nous poursuivons maintenant cette transmission d'Audiomatic avec le projet britannique Winter Light. Okay, here we go. Thank you. yourself up to basically yourself, and therefore relying on yourself to change your life, your patterns, you know, your things. This does not include any sort of chemical addiction, because, you know, one can't just simply will that away. But when it comes to a sort of social behavior, such as drinking in bars or drinking water, for that matter, you really have to get yourself to the point where you understand, you know, what tomorrow brings. Venons tout juste d'entendre à Audiomatic Martin Dosh, qui se fait connaître musicalement en tant que Dosh. Il nous offrait sa composition « Gare de Lyon » que l'on peut retrouver sur son album « Tommy » paru en 2010. Et tout juste avant, le projet « Winterlight » qui est mené par le Britannique Tim Hingham nous présentait de son premier album « Hope Dies Last », sorti en 2011, la pièce « Line of Flight ». La transmission 296 d'Audiomatic prendra fin sur la musique du projet sud-africain « Acre Tongue » et la pièce « Endling's Call » parue sur son plus récent album « Ghost Nocturne ». Si vous êtes intéressé à entendre la transmission 297 d'Audiomatic en direct, nous vous convions à syntoniser le 89.1 sur la bande FM mercredi prochain à compter de 17h. Si le différé vous convient, nous vous proposons de visiter nos plateformes, entre autres facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic, où vous pourrez écouter quand bon vous semble toutes nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc, pour conclure, Acre Tongue et sa pièce Endling's Call. C'était Audiomatic avec les Sonoristes. one, why do all your whispers seem so clear? Can you tell me why I'm still here? I could be the last